Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, à quelle distance sommes-nous des lumières ? Il y a eu le fameux siècle des lumières. Ce fut un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, de la légèreté et de la noirceur, de la violence et du rêve, de l'esprit critique et de la sensibilité. Adossé à ce siècle fameux, il y a eu aussi un esprit des lumières. C'est d'abord un esprit qui promeut l'autonomie de l'entendement et la primauté de l'esprit scientifique sur la providence, esprit scientifique dont la révolution newtonienne est l'illustration la plus marquante. L'esprit des lumières est aussi celui qui pose la finalité humaine de nos actes. On ne vise pas Dieu, mais les hommes. On vise l'humanité telle qu'elle pourrait devenir sur cette terre. On propose en somme la quête du bonheur en remplacement de l'aspiration au salut. L'esprit des Lumières invite enfin à croire à l'universalité, à celle des droits de l'homme bien sûr, mais aussi à celle de la science, à celle des vérités de science. Nous nous considérons aujourd'hui comme les héritiers des Lumières, plus ou moins vaillants. Cette proclamation est même devenue si automatique qu'elle ressemble à une ritournelle. Reste que « héritier de » ne veut pas dire « semblable à ». Dès lors, nous devons nous poser sérieusement cette question. Par les temps qui courent, à quelle distance sommes-nous réellement de l'esprit des Lumières? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Monique Cotteret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'Université de Paris-Nanterre. Et vous êtes l'auteur, l'autrice, je ne sais pas ce que vous souhaitez qu'on dise, avec votre mari Bernard Cotteret, qui est décédé depuis, d'une somme pesante, qui s'intitule « L'Europe des Lumières, 1680-1820 », qui vient de paraître aux éditions Plon. Alors je dois vous dire, madame, aux éditions Perrin, pardon, aux éditions Perrin. Alors je dois vous dire, madame Cotteret, que j'ai eu un choc en vous lisant à propos de la bataille de Fontenoy, qui s'est déroulé le 11 mai 1745, l'armée de Louis XV combat une armée de coalisés, et contrairement à ce qu'on m'a toujours dit et que j'ai toujours cru, le comte d'Autroche n'aurait pas dit « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Ça a été un choc pour moi. Écoutez, il faut sortir du roman national. Donc, effectivement, il semble bien... Bon, il a dit quelque chose qui ressemblait peut-être un petit peu, mais non, cette phrase-là... On peut penser qu'elle a été inventée par Voltaire, historiographe du roi, qui faisait un travail de valorisation des armées françaises. Ma deuxième question, Monique Cotteret, porte sur les dates que vous avez choisies pour marquer le début à la fin du siècle des Lumières. 1680-1820, ça fait quand même long pour un siècle, 140 ans. Alors, écoutez, je crois que vous êtes la dernière personne à pouvoir me dire que c'est long. Parce que moi, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Et une fois invitée, je me suis dit, mais avec mon petit siècle, là, de rien du tout, dans une émission où on parle de l'univers, des plus de 13 milliards d'années, l'homme, quand même, 2 millions. Moi, avec mes 100 ans, là, je... Non, mais justement, moi, je voulais dire que c'était long pour un siècle. C'est long pour un siècle, oui. C'est long pour un siècle, mais... 1680, ça nous paraissait indispensable, parce que c'est vrai que notamment les innovations scientifiques, elles se font à la fin du XVIIe siècle, même si après, elles mettent du temps à se répandre un peu partout en Europe, venant d'Angleterre. Alors sur la fin, on a longuement hésité. Arrêter en 89, ça nous semblait un peu refuser de poser les problèmes, parce que quand même, lumière, révolution... C'est un ensemble, généralement. Et puis, 1815, 1820, on a tout de même essayé de voir comment la Restauration se situait, là, plutôt contre les Lumières, mais comment, malgré tout, il y avait un certain nombre d'éléments de continuité. Donc, c'est un grand siècle. Voilà. Et dans la mémoire collective, en tout cas dans la mienne, ce siècle n'est pas spontanément associé à la guerre. Or, vous montrez que pendant ce siècle dit des Lumières, on s'est fait la guerre 3 jours sur 4. Absolument. Et alors ça, je dois dire que nous avons fait le choix d'une histoire chronologique. On l'a regretté à des moments parce que c'était vraiment très difficile. Mais bon, on s'y est tenu tout de même. et d'une histoire donc politique, hein, les Lumières et leur inscription politique. Mais ça a été pour nous une découverte. Alors, on a une vue un peu française, dans la mesure où il y a des guerres, mais pas des guerres sur le territoire, contrairement à avant et après. Donc on a effectivement cette vision d'un siècle relativement apaisé. Mais en réalité, non, 3 années sur 4, il y a la guerre. Alors vous dites qu'il y a eu, Monique Autrey, 3 événements cruciaux qui ont ouvert la voie à ce siècle des Lumières. Alors dans l'ordre chronologique, ça donne d'abord, en 1683, la défaite des Turcs devant Vienne. Ensuite, il y a la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, donc 2 ans plus tard. Puis la glorieuse révolution anglaise en 1688. Alors pourquoi est-ce que ces 3 événements ont ouvert la voie à cette espèce de révolution qui va mener à l'esprit des Lumières? Alors, le fait qu'il n'y ait plus de menace turque, c'était tout de même quelque chose d'apaisant pour le coup, même si les guerres sont inter-européennes par la suite. La révocation de l'édit de Nantes, eh bien, c'est le début de la fin du modèle Louis XIVien. C'est à partir de ce moment-là que les critiques... Bon, dans un premier temps, comme on le sait, tout le monde applaudit, mais progressivement, tout de même, il y a un certain nombre de critiques qui se font jour. Et puis, 1688, ben, c'est la révolution glorieuse. Alors, glorieuse parce que, bon, les Anglais ayant déjà décapité un roi, ils laissent partir Jacques II, ils ferment les yeux pour qu'il parte plus aisément. Et puis, glorieuse aussi parce que, ça c'est Locke qui va être un des premiers à le développer, parce que elle s'inscrit dans une tradition. Et à partir de là, vous avez toute une valorisation du passé anglais, qui devient un modèle pratiquement depuis la Grande Charte. Et donc cette révolution, c'est à la fois la nouveauté, mais la nouveauté dans la tradition. Alors, quand est-ce que l'Europe a pris conscience d'elle-même? Parce que le siècle des Lumières, on l'associe à l'Europe tout entière. Oui. Or, vous dites que ça a été quand même une construction de cette conscience qui a été assez lente, et qu'il a fallu que l'entente cordiale entre la France et la Grande-Bretagne commence à prendre pied. Oui, il y a des mouvements européens, hein, la domination romaine dans l'Antiquité, c'est déjà l'Europe, le christianisme médiéval, le temps des cathédrales, le temps des réformes et contre-réformes. Mais alors, nous avons appelé notre première partie, qui va jusqu'en 1750, avec un petit clin d'œil à Paul Hasard, la prise de conscience européenne. C'est-à-dire, véritablement, on a quand même eu l'impression que là, se construisait quelque chose, l'idée d'un destin commun. Et je crois qu'on peut le mettre autour de 1713 et de la paix d'Utrecht, de même qu'autour des réflexions de l'abbé de Saint-Pierre sur une paix entre les nations. Alors pourquoi 1713? Eh bien parce que la France est vaincue, tout de même. La guerre de succession d'Espagne a été terrible, mais les Anglais, et notamment le ministre Bolingbroke, qui est à la fois un conservateur et un homme des Lumières, un ami de Voltaire, ne veut pas écraser la France. Et donc, c'est à ce congrès que l'on développe les idées d'équilibre, de balance des forces et d'équilibre européen. Alors évidemment, il n'est pas question de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On fait circuler les princes et les princesses et on essaie de trouver une espèce d'équilibre qui permette d'envisager un siècle de paix. Et aussi, c'est le moment où les valeurs de la guerre, qui ont dominé quand même jusque-là, c'est-à-dire le chevalier, le combattant, laissent place à des valeurs plus économiques, plus libérales, et le commerçant devient un espèce de vecteur d'une pensée éclairée. Et d'ailleurs, à ce propos, vous citez Voltaire, alors pour un texte qui date de je ne sais pas quand, j'ai pas regardé la référence, mais voilà ce que dit Voltaire. Il y a déjà longtemps qu'on pouvait regarder l'Europe chrétienne à la Russie près, oui, comme une espèce de grande république partagée en plusieurs États. les uns monarchiques, les autres mixtes, ceux-ci aristocratiques, ceux-là populaires, mais tous correspondant les uns avec les autres, tous ayant un même fond de religion, quoique divisés entre plusieurs sectes, tous ayant les mêmes principes de droit public et de politique, inconnus dans les autres parties du monde. Oui. Donc il y a conscience d'une spécificité européenne. Il y a conscience d'une spécificité européenne qui se fait par la diplomatie, par la circulation des idées, et non pas l'uniformité, mais tout de même un certain nombre de points communs très importants. Alors, vous citez évidemment Kant dans votre livre. Oui. Kant qui va avoir 300 ans dans quelques jours, enfin quelques semaines, le 22 avril 2024. Et au début de la critique de la raison pure, il écrit « Notre siècle est le siècle de la critique ». Absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire critique dans la bouche d'un philosophe, en l'occurrence, du XVIIIe siècle? On me demande souvent, quand je présente ce livre, quels sont les mots-clés des Lumières. Je veux dire, dans mes premières présentations, j'ai dit raison, liberté, tolérance. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que toutes ces notions-là, on pouvait les relativiser. Alors que la chose fondamentale du XVIIIe siècle, c'est la notion de critique, bien entendu pas au sens de dénigrement, mais de critique au sens philosophique, au sens que théorisera Kant. Mais Kant n'est pas l'inventeur du mot. L'inventeur du mot, en 1678, c'est un très sage oratorien, un érudit tout à fait savant, enfin sage au départ, qui s'appelle Richard Simon, et qui veut polémiquer contre les protestants. Et il trouve que les protestants se réfèrent à l'écriture seule, et donc il va leur démontrer que ce n'est pas une source sérieuse. Et donc, il démontre que Moïse ne peut pas être l'auteur du Pentateuque. Et il appelle son livre « Histoire critique du Vieux Testament ». C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on se sert de la raison pour critiquer... Pas pour critiquer, parce que le mot n'existe pas, mais pour examiner la raison. Pour examiner la raison, oui. Comment elle fonctionne. Et Kant a écrit, donc, en 1784, un petit livre qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et il répond, d'une certaine façon, à la question que nous discutons aujourd'hui. Mais les premières phrases de ce livre résonnent comme une sorte de mot d'ordre. Je le cite. « Qu'est-ce que les Lumières ?» dit-il. « C'est la sortie de l'homme hors de sa minorité. » Alors, vous traduisez par tutelle. Oui, je sais pas quel est le mot qui convient mieux. L'homme, la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement, voilà, dit-il, la devise des Lumières. Oui, oser. J'aime beaucoup cette expression. Alors, il ne s'intéresse pas aux conditions de possibilité de la connaissance, mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité deviennent caduques. Et donc, c'est le moment où on commence à s'interroger sur la vérité de ce qu'on nous présente comme des vérités. C'est tout à fait ce moment-là, et c'est vrai que la critique de la religion joue un rôle déterminant dans l'élaboration de la pensée des Lumières. Mais cette critique de la religion, elle peut aussi venir de façon interne de la religion. C'est ça qui est tout à fait intéressant, et c'est ces contradictions du siècle que mon mari et moi on aimait énormément et qui nous font souffrir quand on transforme les Lumières en catéchisme. C'est vraiment quelque chose de vous évoquer cette vague référence France des Lumières. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, si ce n'est des valeurs un peu trop figées, alors que le siècle est un bouillonnement. Le siècle est un ensemble de contradictions. Est-ce qu'il y a un rapport direct ou indirect entre ce qu'on est en train de définir comme l'esprit des Lumières et l'esprit des lois au sens de Montesquieu? Oui, vous avez l'esprit des lois. Vous savez que Voltaire, qui n'y comprend rien, dit « c'est de l'esprit sur les lois », ce qui prouve bien qu'il n'avait absolument pas compris. À la fin de la période, vous avez un texte moins connu, moins important, mais qui est intéressant. C'est un texte de Saint-Just, en 91, qui s'appelle « L'esprit de la Révolution ». Alors, il décalque Montesquieu. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est favorable au modèle de monarchie constitutionnelle de 1791. Et puis, vous avez Condorcet, c'est l'esprit humain. Et c'est vrai que ce mot « esprit », il est important dans le siècle, et on le retrouve comme cette idée d'une synthèse, d'une quintessence, de quelque chose qui a un principe qui va déterminer tout le reste. Vous dites aussi dans le livre que le mot optimisme date de 1730. Autour de 1730. Et est-ce qu'il est lié à l'idée de progrès ? L'idée de progrès est sous-jacente un peu partout à cette époque, parce que ce soit sur le plan matériel, on vit quand même mieux, la mortalité infantile diminue. Bon, la médecine, c'est pas encore extraordinaire, mais malgré tout, on a fait quelques progrès. Et donc, l'idée que les progrès matériels vont entraîner des progrès scientifiques et réciproquement, c'est une idée qui est très importante dans le siècle. Mais le mot progresser existait bien avant. Bien sûr. Mais il avait une connotation spatiale. Oui. Quand on disait qu'une armée progresse, on ne voulait pas dire qu'elle améliorait la qualité de son matériel, mais qu'elle progressait dans l'espace. Ouais. Et là, on invente l'idée qu'on peut progresser au cours du temps. On peut progresser. Ben, c'est comme l'idée de révolution, qui était un retour cyclique et qui devient une ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a une vision très optimiste, mais il y a aussi la critique de l'optimisme. Parce que le tremblement de terre de Lisbonne, par exemple, ça déclenche une espèce de passion chez Voltaire, qui va se mettre... Et chez Rousseau ils vont tous les deux répliquer à cet événement. Ils ont tous les deux répliqué. Alors, Rousseau est beaucoup plus paisible que Voltaire sur le tremblement de terre. Il dit qu'effectivement, c'est une chose très triste, mais les hommes en sont un peu responsables, parce que c'est de leur faute, s'ils ont construit des maisons aussi hautes, qui donc se sont effondrées. Et si proches de la mer. Voilà, absolument. Alors que Voltaire est dans l'indignation, l'indignation religieuse. Hein. Comment concevoir un dieu qui laisse passer de pareilles choses. Mais vous dites que Rousseau et Voltaire sont des philosophes des Lumières. Ils sont quand même pas du tout d'accord l'un avec l'autre. Ils sont à peu près d'accord sur rien. Et donc on peut être philosophe des Lumières en étant en complet désaccord avec un autre philosophe des Lumières. Mais oui, c'est la contradiction. C'est la contradiction. De même que les Lumières françaises sont très différentes de l'Aufklärung allemand, sans parler des Lumières anglaises. Est-ce que c'est simplement un effet de traduction ? Non. C'est les mots même. Aufklärung, c'est la cristallisation. Et donc, c'est cette idée que c'est en train de se faire, que c'est un processus continu qui est en train de se faire. Tandis que en français, et je pense aussi en espagnol, en italien, les lumières sont là. C'est un fait objectif. On a appuyé sur l'interrupteur. Voilà. On a ouvert la lumière. La GI. On va parler de science un peu. Ah, mais écoutez, on écouterait. Alors, parlez-moi de Newton Pompon. Ah, Madame du Châtelet. Madame du Châtelet, je dois dire, c'est une de mes grandes amies. Oui, ça se sent, à vous dire. Oui. Vous vous projetez un peu. Non? Un petit peu, oui, peut-être. Alors que moi, je ne suis pas du tout scientifique, malheureusement. Mais non, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce siècle, c'est qu'il y a c'est un siècle masculin. Enfin, bon, c'est évident, on va pas discuter longtemps là-dessus. Mais il y a deux femmes vraiment exceptionnelles. Au début du siècle, c'est Madame du Châtelet, et à la fin du siècle, c'est Madame de Staël. Or, Madame du Châtelet est celle qui traduit Newton. Et on s'est servi, j'étais très surprise, très longtemps on s'est servi de sa traduction. Mais toujours, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Il y en a une autre. Il y en a une autre? Assez récemment, oui. Mais en tous les cas, c'est quand même très Newton étonnant. Nous est arrivé par Madame du Châtelet. Oui, absolument. Et avec la complicité de Voltaire, et de Maupertuis, et d'un certain nombre d'autres. Mais Madame du Châtelet a été absolument déterminante. Elle a écrit un discours sur le bonheur. Oui. Alors, Newton Pompon, faut peut-être expliquer, c'est Voltaire qui l'appelle comme ça. Oui. Qui était son amant. Oui, enfin, son amant, son compagnon. Oui, oui, non, non. On aimerait des détails. je n'en ai pas. Mais je crois que l'amant est devenu assez vite le compagnon, acceptant d'ailleurs un certain nombre d'autres présences masculines auprès de Madame du Châtelet. Un couple émancipé, voilà. Voilà, elle écrit dans le discours sur le bonheur que les femmes doivent étudier. Oui. Pour une raison simple. C'est tout Il est certain, dit-elle, que l'amour de l'étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu'à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Alors. C'est étonnant, ça. Et Madame de Staël dira, pour une femme, c'est le deuil du bonheur, le deuil éclatant du bonheur. Je ne me souviens plus exactement de la formule. Mais oui, il ne leur reste que ça aux femmes. Elles ne peuvent pas être politiques, elles ne peuvent pas, sauf si elles sont nées pour être reines ou impératrices. Mais enfin, c'est quand même relativement rare. Et donc, c'est vrai que le savoir, c'est une des rares choses qu'on leur laisse. Revenons, s'il vous plaît, Monique Cotteret, à Montesquieu. Oui. Il a passé beaucoup de temps en Angleterre, je crois. Oui. Et en quoi ça a changé son regard sur le droit? Et en quoi ça a contribué à l'écriture de son fameux Esprit des lois? Oui. Et il a écrit des notes sur l'Angleterre, oui, assez étonnantes. Il dit, par exemple, le peuple de Londres mange beaucoup de viande. Cela le rend très robuste, mais à l'âge de 40 ou 45 ans, il crève. Oui, alors, j'avoue que je ne sais pas. Que les Anglais mangeaient plus de viande, et de viande relativement saignante, par rapport aux Français de l'époque, ça c'est indéniable. Alors, est-ce qu'ils mouraient à cause de la viande, ça j'avoue que c'est peut-être Montesquieu qui a un peu été vite, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des écarts culturels très grands? Vous avez parlé des mots « Aufklärung » en allemand, des écarts culturels très grands entre dans les différentes façons de comprendre ce fameux esprit des Lumières. Pour le dire autrement, est-ce que les Lumières se sont déployées selon des nationalités de façon différente? Oui, oui, oui. Je voudrais peut-être juste un moment revenir sur Montesquieu et l'Angleterre. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas laissé répondre. Dans un premier temps, on avait intitulé un sous-paragraphe « Une bévue de Montesquieu ». Puis finalement, on l'a enlevé parce que c'était trop provocant. Parce qu'en réalité, Montesquieu invente la séparation des pouvoirs, qui est quand même le fondement de la vie démocratique, et il croit l'avoir vu fonctionner en Angleterre. Or, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Angleterre. Au contraire, les pouvoirs sont... Il y a un parlement, il y a un roi, mais les pouvoirs sont confondus, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on appelle le « king in parliament ». Or, Montesquieu ne voit pas ça, mais il invente la séparation des pouvoirs. Alors, bon, c'est quand même une bévue, mais c'est une bévue extraordinairement riche, heureuse, et qui a donné des conséquences tout à fait importantes. Alors, on peut dire que Montesquieu était un humaniste oui, presque avant l'heure. Il avait une conception très unifiée de l'humanité, oui, oui, contrairement à Voltaire. Contrairement à Voltaire, c'est vrai. C'est vrai, vous avez cette conception d'une humanité une, et donc de l'absence de race. Et vous avez, par exemple, au contraire, chez Voltaire, l'idée que il y a une inégalité, où il y a des phrases de Voltaire qui sont effectivement assez difficiles à entendre. Aujourd'hui, oui, il écrit par exemple « Il en est des hommes comme des arbres. Oui. Il y a les poiriers, les sapins, les chênes et les abricotiers qui ne viennent point du même arbre. Mmh. Il en déduit que les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crin et les hommes sans barbe ne proviennent pas d'un même homme. » Etc, etc. Oui, bon, ça, c'est vrai que c'est un aspect un peu difficile à entendre au XXIe siècle. De quand date l'expression « Esprit des Lumières » ? Est-ce que les gens qui ont tenté de le mettre sur pied disaient « Nous construisons l'Esprit des Lumières » ou est-ce que c'est une rétrodiction beaucoup plus tardive ? La notion existe. Ils sont heureux d'être dans un siècle éclairé. Voltaire dit que ce siècle de fer est vraiment extraordinaire. Il n'a pas du tout envie de revenir en arrière. Et oui, il y a cette idée du progrès, que tout s'améliore au XVIIIe siècle. Le mot esprit Je ne crois pas. Ils n'ont pas vraiment employé, ou pas fréquemment, mais la notion est là. Pendant la Révolution, on parle de mettre le XVIIIe siècle au Panthéon. Donc c'est tout de même, c'est bien ce XVIIIe siècle-là. Et l'encyclopédie, évidemment, on va en parler parce que elle occupe une belle place dans votre livre, Monique Cotteret. L'encyclopédie, j'ai découvert en vous lisant qu'elle a une naissance très difficile. Elle a été très critiquée dans son intention par les jésuites. Pour quelle raison? Et quel était le projet de ces initiateurs comme Diderot, d'Alembert? Le projet, c'était de rassembler tous les éléments de la science, mais aussi des arts, de la littérature, à un moment donné. Donc de faire une espèce de faire une encyclopédie, un ensemble, et donc de faire... L'originalité, c'est de faire travailler ensemble des tas de gens différents, et d'organiser cette machine, qui est aussi une machine de guerre, contre l'obscurantisme, de l'organiser autour, évidemment, de ce personnage central qui est Diderot. Alors, il y a, en plus des tomes qui expliquent les connaissances, oui. Il y a des tomes dans lesquels on ne trouve que des illustrations, des dessins, oui. Des schémas, oui. Par lesquels ils tentent d'expliquer comment fonctionnent les objets techniques de l'époque. Oui, oui, oui. Comment marche le télescope, comment on fait du verre, l'imprimerie, les outils agricoles, c'est magnifique. Oui. Et ils expliquent qu'ils font cela parce qu'ils pensent que si le peuple, comme ils l'appellent, s'habitue à manier les objets techniques et comprend comment ils fonctionnent, oui. Il connaîtra, il pourra de façon implicite, à la science. Oui, il pourra accéder à la science. Oui. Et ça, c'est quand même un pari qui a été perdu, non? Je pense que le pari a été perdu, mais le pari était tout de même prodigieux. Enfin, et ça correspond aussi, finalement, autant de Newton, les instruments sont tout de même relativement limités. Quand Blake représente Newton à la fin du siècle, il a tout juste un petit instrument là qui lui permet de faire un schéma. Alors que plus le siècle avance, plus la technique est importante. Et si on prend au contraire le portrait que David fait du couple Lavoisier, là vous avez toute une série d'instruments. Et j'ai découvert que ces instruments étaient effectivement ceux qu'on utilisait à l'époque, et que d'ailleurs Lavoisier avait copié les techniques des Anglais et avait réussi à faire développer cette fabrication d'instruments scientifiques en France. Et ça, au milieu, vous avez l'encyclopédie. Évidemment, c'est pas un héritage direct, mais c'est un état d'esprit de progresser par le travail manuel et par la conception manuelle. Diderot s'intéresse à comment on confectionne des bas et quelles sont les machines pour confectionner les bas. Alors Kundera, l'écrivain tchèque, dans son livre L'immortalité, il part de cela, oui. Et il prend comme référence Goethe, oui. Le romantique, l'écrivain poète que nous connaissons, en disant que Goethe, il avait une maîtrise de toutes les techniques de son temps. Il pouvait construire un télescope, comprendre son fonctionnement, bâtir une maison, discuter avec son médecin des différentes opérations chirurgicales possibles. Mais aujourd'hui, on pourrait au contraire dire que la technologie, par le fait qu'elle est très conviviale, je pense au téléphone portable, nous éloigne de la science, puisqu'on n'a plus besoin de connaître la science pour faire fonctionner ces objets. On a un petit peu besoin tout de même, pour un certain nombre. Les enfants... Oui. Ah, les enfants, ils ne connaissent oui, pas les la enfants. Mécanique quantique utilisent le téléphone portable sans problème. Les enfants, oui, sont très, très, très vite, très, très, très adroits dans ce domaine. Il y a eu une grande. Les machines ont aussi entraîné la révolution industrielle, et la révolution industrielle a un peu ôté à un certain nombre de travailleurs. L'éducation, enfin, on a séparé les différentes étapes du travail, et évidemment il n'y a plus l'artisan qui était capable de concevoir, d'améliorer l'objet. Alors, avant que cette encyclopédie paraisse, c'était en 1700. Alors c'est toute une série d'étapes, parce que les premiers livres paraissent, puis il y a une première interdiction. Qu'est-ce qui a motivé cette interdiction? C'est le climat après le régicide, la tentative de d'Amiens contre Louis XV. Et donc là, il y a une répression qui s'ensuit, qui devient très très forte. Et donc, l'encyclopédie est dénoncée. Mais pourtant, cette encyclopédie n'avait aucun rôle dans cette tentative de meurtre. Ah, strictement. Autant que l'on sache, l'attentat d'Amiens, c'est un déséquilibré. Mais évidemment, on s'en sert. Et l'archevêque de Paris se sert de cet attentat pour dire que depuis qu'on ne respecte plus rien, depuis qu'on ose tout remettre en cause, eh bien évidemment, on fait courir des risques au roi et à la monarchie. Mais ça ressemble à des choses qu'on entend aujourd'hui. Ah, il y a des parallèles qui s'imposent très régulièrement, oui, dans beaucoup de choses. Oui. Mais est-ce que dans l'intention de Condorcet, non, plutôt de Diderot, qui publie en 1750 le prospectus, oui, qui annonce l'encyclopédie, est-ce que son intention, c'était de décrire, grâce à la science qui s'y trouverait, une sorte de machine de guerre contre le christianisme? Oui, je crois qu'on peut le dire. On y a beaucoup réfléchi, parce que ça paraît une construction ultérieure. Mais en réalité, le jeu entre... Alors, il y a des articles qui sont des articles parfaitement orthodoxes, enfin, catholiques en l'occurrence, mais il y a des renvois à d'autres articles qui, eux, le sont beaucoup moins. Et globalement, la critique de la religion est quand même très présente dans l'encyclopédie. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité? Oui. Puisque Diderot dit, notre mérite d'éditeur, c'est peu de choses. La seule partie de notre travail suppose certes de l'intelligence, mais elle est simplement de remplir les vides qui séparent deux sciences ou deux arts, de renouer la chaîne. Oui, cette notion de chaîne, pour arriver à une totalité et à une compréhension par tous les gens un peu éclairés de cette totalité, c'est évidemment très important. Alors, en même temps, c'est le contraire de ce qu'était l'humanisme du XVIe siècle, où un seul individu, par exemple Pic de la Mirandole, pouvait à lui seul avoir la totalité des savoirs de son époque. Au XVIIIe, on prend en compte que c'est devenu impossible, et donc on fait des encyclopédies, on fait des dictionnaires pour pouvoir comprendre le monde. Et toute la pensée hostile aux Lumières va être une pensée hostile aux dictionnaires. La pensée théocratique, la pensée contre-révolutionnaire, va dénoncer ces savants qui n'en sont pas, parce qu'ils ont besoin de se rassembler et de créer et de mettre le monde en dictionnaire. Et en quoi cela pouvait-il gêner les jésuites, par exemple ? Bon, il faut admettre que les philosophes étaient hostiles aux jésuites, hein, donc c'était une guerre. C'était une guerre des deux côtés, que les philosophes ont gagné d'ailleurs, puisque les jésuites sont supprimés. Les jésuites, c'est tout à fait curieux, parce que en fait, sur le plan de la théologie, c'est sans doute ceux qui étaient le plus prêts à évoluer. Par exemple, lorsque les jansénistes disent que tout était bien dans l'Église primitive, eux trouvent ça suspect et introduisent un peu la notion d'évolution. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que les philosophes et les jésuites s'entendent, non peut-être pas, mais s'acceptent. Et en réalité, ça a été la confrontation la plus brutale du siècle. Mais outre les jésuites dont on vient de parler, qui étaient les anti-lumières? Je dirais l'Église catholique. L'Église catholique, sauf... Alors, on parle toujours des abbés libertins, il y en avait, mais pas tant que ça. Et une partie du catholicisme. Par exemple, le dernier cardinal ministre de la monarchie, Loménie de Brienne... Bon, c'est un cardinal. Alors, Louis XVI disait qu'il ne croyait pas en Dieu. Non, moi je crois que Louis XVI n'était pas juste. L'homélie de Brienne croyait en Dieu, était catholique, mais d'un catholicisme très, très évolué par rapport au catholicisme de son temps. Mais donc, vous avez l'Église, vous avez aussi les partisans de la monarchie absolue qui sont inquiets. Bon, alors, il y a le despotisme éclairé, donc ce n'est pas tous, mais il y a notamment en France une inquiétude sur ces idées nouvelles qui bouleversent tout, qui remettent en cause le caractère sacré de la monarchie. Tout ça, ça fait beaucoup tout de même d'hostilité. Mais quel est le poids que la science a dans l'évolution des idées ? Autrement dit, est-ce que l'esprit des Lumières doit beaucoup aux avancées scientifiques de l'époque dont vous avez parlé, notamment le fait que Newton a mis sur pied sa mécanique et sa théorie de la gravitation universelle? Est-ce que ça a joué un rôle important? Oui. Parce que Newton a été contesté par Leibniz, par Descartes. Par les cartésiens. Voilà. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que, pour dire les choses autrement, est-ce que l'esprit des Lumières doit plus à Descartes qu'à Newton ou l'inverse? Descartes, qui a été contesté au XVIIe siècle, a des partisans encore au XVIIIe. Notamment Fontenelle, par exemple, reste un cartésien. Et les hommes de l'encyclopédie mettent Descartes, tout de même, pour sans doute méthodique, parmi leurs ancêtres. Mais non, c'est Newton... grâce à Voltaire, grâce à Madame du Châtelet, et puis c'est Newton qui rend cet univers infini, et c'est Newton qui permet une approche totalement différente de la réalité. Je pense que Newton a eu une très très grande influence. Il y a eu à cette époque, une sorte de ce que vous appelez une socialisation des savants. Oui. Où le savant, le scientifique, finit par avoir le même statut que l'homme de lettres. À la fin du siècle, en France notamment, c'est frappant. Alors ça se manifeste comment? Il y a des salons, des académies? Oui, il y a des salons, il y a des académies. Ils se mettent d'accord pour être élus à telle ou telle place fondamentale dans la hiérarchie académique. Ils ont des éditeurs qui travaillent avec eux. Le savant est un homme très important, je dirais dans les années 1780. Là, il y a un moment où le savant devient vraiment le rival de l'homme de lettres. Et puis, également, à la fin du siècle, les savants s'intéressent aux choses du quotidien. Ça, je pense que c'est tout de même une nouveauté. Ils vont travailler à comment éclairer les villes, les rendre moins fétides, supprimer les cimetières. Parce que la pollution de l'air à Paris, d'après ce que vous racontez, c'est terrible. C'était de nos jours, c'est rien par rapport aux problèmes, notamment d'évacuation des eaux usées que l'on rencontre au XVIIIe siècle. Vous parlez aussi, Monique Cotteret, de ce que vous appelez la balomanie. Oui. C'est quoi la balomanie? Eh bien, c'est cette idée qu'on a réussi à vaincre l'atmosphère grâce au ballon. La pesanteur. La pesanteur. Qui permet de... Grâce à l'atmosphère. Grâce à l'atmosphère. Oui, merci. qui permet de quitter le plancher des vaches et de s'envoler au-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est une anecdote qui est rapportée, c'est que au moment de monter dans un ballon, donc dans une montgolfière, un jeune homme bouscule un duc ou un aristocrate très important pour prendre sa place dans le ballon. Et il lui répond, ben, sur terre. Évidemment, il proteste, aristocrate, et le jeune homme répond, sur terre, vous êtes au-dessus de moi, mais dans les airs, il n'y a plus de hiérarchie. J'aime bien cette anecdote du ballon. Est-ce que vous avez Monique Cotteret, un chouchou? Oui, bien sûr. C'est qui? Bien sûr, c'est Rousseau. C'est Rousseau. Oui. Moi, en vous lisant, j'aurais parié Condorcet. Ben, écoutez, je suis très contente que ça ne se voit pas, parce que on a fait tous les deux, enfin Bernard et moi, un gros effort d'objectivité. Bon, c'est vrai que D'une certaine façon, moi je peux dire que je les aime tous. Mais bon, Rousseau, d'abord on a travaillé très longtemps sur Rousseau. C'est une critique des Lumières, mais c'est une critique interne des Lumières. Or les critiques internes sont toujours à la fois très fondamentales, très riches, et suscitent beaucoup d'innovation. Est-ce que la fiction a joué un rôle dans la constitution de cet esprit de lumière? Vous parlez des voyages de Gulliver, le livre de Jonathan Swift, oui, qui est publié en 1726. Vous parlez de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publié en 1717. Mmh. Est-ce que ça a nourri un imaginaire? Et de quelle façon? Certainement. D'abord, le roman apparaît au XVIIIe siècle. C'est un art du XVIIIe siècle. Alors Defoe et Swift, c'est vraiment le monde anglo-saxon, et c'est cette espèce de quête de la domination de l'univers. Alors l'homme étant toujours victime des tempêtes et des difficultés, on dirait du climat de nos jours, mais avec un esprit d'entreprise, notamment sur Defoe, l'énergie des héros de Defoe ont quelque chose d'absolument exceptionnel. Et puis après, vous avez le roman anglais avec Richardson et ce summum du siècle qu'est la Nouvelle Héloïse. Alors, je ne sais pas si vous aimez la Nouvelle Héloïse. Si, bien sûr, c'est là que vous manifestez clairement votre préférence pour Rousseau. Oui, absolument. Mais imaginons que on trouve le moyen de ramener ces philosophes jusqu'à notre présent, en 2024, par le biais de je ne sais quel vaisseau temporel. Mmh. Et on leur présente différentes situations de notre modernité. J'imagine qu'ils n'auront pas tous les mêmes réactions. Non, je pense que Rousseau serait affolé et qu'il demanderait très vite à repartir au 18e. Il serait affolé par quoi, notamment? Rousseau en particulier par la ville. Il trouve déjà que Paris au 18e, c'est insupportable. Non, mais on pourrait commencer par lui montrer un village de campagne. Alors là, oui, peut-être, mais il trouverait des machines. Et je ne sais pas. Il verrait des télévisions. Ça lui paraîtrait absolument insupportable. Il a ce mouvement de quitter la société. Donc, tout ce qui fait notre univers, je suis à peu près formelle pour Rousseau, je crois qu'il ne résisterait pas. Et Voltaire? Condorcet? Je pense que Voltaire serait probablement celui qui serait le plus intéressé, qui essaierait peut-être de comprendre. Mais tout dépend où on l'amène. Voltaire n'était pas tellement favorable à l'éducation du peuple, enfin juste un petit peu, pas trop. Donc si on l'amenait dans un lycée, comment réagirait-il? Je ne sais pas. Oui, mais D'Alembert, par exemple, lui, il constaterait que les élèves de terminale aujourd'hui apprennent des mathématiques que lui ne connaissait pas. Alors les savants seraient probablement plus intéressés que les autres. Il y en a un qui risquerait d'être très déçu, c'est Condorcet, justement. Puisqu'il a écrit ce texte, c'est dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, juste avant d'être coupé en deux. Mmh. Il écrit « Il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclairera plus que des hommes libres, et ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison, où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs stupides ou hypocrites instruments n'existeront plus que dans l'histoire et sur les théâtres, où l'on ne s'occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes, pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès, dans une utile vigilance, pour savoir reconnaître et étouffer sous le poids de la raison les premiers germes de la superstition et de la tyrannie, si jamais ils osaient reparaître. » Oui, ben on comprend qu'il se soit suicidé, parce que il n'y avait même pas besoin de l'amener jusqu'à nos jours. La réalité allait à l'encontre de tout ce qui était son espérance. Mais eux, quand ils parlent de l'humanité, ils parlent en fait du genre humain. Oui. Et ils pensent que le progrès va finir par diffuser, à la fois temporellement, donc au cours du temps, mais aussi spatialement. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas les accuser d'avoir promu de cette façon-là la colonisation? Et on ne s'en prive pas de les en accuser. Je pense à Pierre Bourdieu qui parlait d'un obscurantisme des Lumières pouvant prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. Je le cite. Oui, oui, oui. Bon, moi, je ne suis évidemment... Enfin, nous avons écrit ce livre parce que nous n'étions pas du tout d'accord avec ce genre de réflexion. Mais nous avons essayé de prendre en compte ces critiques et de voir si elles correspondaient réellement aux hommes du XVIIIe siècle. Alors qu'ils aient ouvert la voie. À partir du moment où, comme Buffon ou Linné, on classe, il est certain que l'idée de hiérarchie vient très vite avec l'idée de classement. Donc oui, on peut avoir une certaine part de responsabilité. Mais au XVIIIe siècle, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tout de même l'idée que ces peuples, dont on dit les peuples premiers maintenant, eh bien, ils sont un peu le passé de l'Europe, et que l'Europe va les civiliser, entre guillemets. Alors, c'est là que, pour le XXe siècle et pour le XXIe, on est évidemment beaucoup plus critique, et avec raison. Mais il y a aussi des gens, par exemple, comme l'Allemand Forster, qui lui critique cette idée, qui dit déjà ce que dira Lévi-Strauss beaucoup plus tard, qu'il faut les laisser et les protéger en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, constitue la plus grande naïveté des philosophes des Lumières ? Je pense à Condorcet qui évoque, avec d'autres mots, l'idée d'un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Un progrès scientifique enclenche des progrès techniques, qui enclenche des progrès matériels, qui enclenche des progrès moraux, et qui enclenche à la fin des progrès politiques. C'est quand même pas aussi simple. Non, c'est loin d'être aussi simple. D'ailleurs, la réalité de l'histoire l'a prouvé. Et je pense que chez Condorcet, par exemple, il y a vraiment une naïveté au niveau philosophique, et politique. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la réalité politique des choses. Et on raconte qu'il est très vexé parce que le jour où il prononce devant l'Assemblée son discours sur les progrès de l'enseignement, il a quelques applaudissements, mais très discrets. Alors que le jour où il suit les Girondins dans leur politique guerrière, donc, dont on peut discuter l'intérêt, là, il est applaudi. Donc, je crois que ces hommes des Lumières n'ont pas toujours pris en compte la dimension politique des choses. Sauf Rousseau. Voilà. Ah, encore lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne pensait pas que le temps était constructeur, Il pensait que le progrès était très relatif, il pensait que il y avait des améliorations techniques, scientifiques, et il ne les récusait pas. Mais il pensait que le progrès moral n'avait rien à voir avec tout ça, et qu'au contraire, un homme de plus en plus dominant pouvait être de plus en plus dangereux. Mais la semaine dernière, je recevais Vincent Bontemps, qui a travaillé sur l'innovation, et qui faisait remarquer que nos discours concernant l'innovation s'appuient sur l'idée d'un temps qui passe qui dégrade les situations, et l'innovation nous permet de maintenir le monde en l'état. Oui. Alors que l'idée de progrès, elle s'appuie sur un temps constructeur, qui est complice de notre liberté, de notre volonté. Et je me demandais comment on pouvait être, comme Rousseau que vous aimez tant, un philosophe des Lumières sans croire au progrès. Rousseau ne nie pas le progrès, mais il le relativise. Et Rousseau est le seul, de mon point de vue, au XVIIIe siècle, à la fois à faire des modèles théoriques du contrat social, c'est quand même en grande partie un modèle théorique, et en même temps à s'intéresser à la politique, à la gestion politique quotidienne. Dans les affaires de Genève, il n'est plus du tout le révolutionnaire du contrat social. Il essaie de trouver un bon équilibre entre les différents conseils pour que la part de démocratie soit plus importante que le développement de l'oligarchie genevoise. Et c'est intéressant chez lui, cette double démarche. sur la Pologne notamment, il se rend bien compte qu'il donne un projet de constitution à un peuple au moment de la Confédération de Bar, qui est tout de même très marqué par un catholicisme pas vraiment éclairé. Et il fait y sentir par une pirouette, il leur donne comme exemple Moïse. Ah oui, alors je vous ai demandé, Monique Cotteret, quelles sont les naïvetés qui sont apparues après le Seuil des Lumières, dans la philosophie de l'Esprit des Lumières, on pourrait dire. Mais est-ce que on pourrait aussi discuter des choses qu'ils ont bien pensées et que nous avons oubliées et qu'il serait intéressant de réactiver? Oui. Notamment peut-être l'idée d'universel. Voilà, j'allais le dire, l'universalisme, c'est tout de même le point commun, pour le coup, entre tous les philosophes des Lumières. Cette idée qu'il y a un homme, alors qui peut avoir être à des degrés différents de son histoire, mais que c'est cet homme qu'il faut contribuer à développer, à épanouir. Et ceci avec la tolérance, avec toute une série de vertus qui sont quand même des vertus de ce siècle. Et vous pensez qu'on ne les honore pas assez aujourd'hui? Il y a une critique de l'universel. Il y a une critique de l'universel, oui. Il y a une critique de l'universel. Alors, je veux bien que certaines pratiques de l'universel soient critiquables, mais pas l'universel tel que les hommes du XVIIIe le pensent. Pour finir, Monique Audrey, j'avais une question sur la façon dont vous avez procédé avec votre mari pour écrire ce livre qui est assez épais. Oui. C'est une somme, c'est presque une encyclopédie à propos du siècle. Comment est-ce qu'on fait pour trouver autant d'archives? C'est quelle méthode de travail, surtout quand on le fait à deux? Écoutez, c'est assez simple. Hein. On a fait, donc, alors qu'on arrivait aux années 70 ans, l'un comme l'autre. Et donc, on avait chacun 50 ans de travail derrière nous, tout simplement. Et alors, on ne connaissait pas tout. Même là, je découvre encore des choses que j'aurais bien voulu mettre, finalement. Mais il y a cette... Lucien Febvre disait que l'historien était un des rares savants qui se bonifiait comme le bon vin en vieillissant. Parce qu'on accumule tellement de sources que, finalement, on peut les analyser ensemble. Et alors, à deux, c'était évidemment magnifique, parce qu'on n'avait pas exactement n'avait pas travaillé sur les mêmes sujets, et donc on pouvait les reconstruire ensemble. Et pour répondre alors d'une façon simple à la question posée initialement, à quelle distance sommes-nous des Lumières? Est-ce que vous pensez que cette distance, je parle de la France, oui, simplifions, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? Je crains qu'elle augmente. Je crains qu'elle augmente parce que je ne vois pas l'esprit critique. Je trouve qu'il diminue énormément. On est souvent dans la critique, mais pas véritablement dans l'esprit critique, dans la remise en cause des phénomènes. Alors, je ne parle pas des sciences, mais de la politique, du monde culturel. Il me semble qu'on a beaucoup perdu. Ce que j'aime aussi dans le XVIIIe siècle, c'est cet aspect dialectique et contradiction. Et argumentation. Et oui, argumentation. Et ça, malheureusement, je suis peut-être un peu pessimiste, mais je le vois de moins en moins. Merci Monique Cotteret. Merci à vous. On arrive au terme de cette discussion et nous allons écouter ensemble la chronique de Pierre Oppert, qui va nous parler, je crois, d'un océan qui se cacherait sur Mimas. Mimas étant l'un des satellites de Saturne. Mimas, c'est une lune de Saturne qui est plutôt évoquée généralement pour son étonnante ressemblance avec l'étoile de la mort dans Star Wars. Sauf qu'en lieu et place d'une station de combat spatial, Mimas abriterait en fait un océan souterrain. Cette découverte a été annoncée avant-hier dans la revue Nature par une équipe internationale emmenée par des chercheurs de l'Observatoire de Paris. Des membres de cette même équipe, en 2014, s'étaient déjà penchés sur le cas Mimas. À l'époque, ils avaient remarqué que la rotation de cette lune sur elle-même était accompagnée d'oscillations un peu particulières. Ces oscillations, elles ne pouvaient s'expliquer que de deux façons. Ou bien Mimas avait un océan liquide, ou bien elle possédait un noyau interne rocheux très allongé, un peu comme un ballon de rugby. Jusqu'ici, c'était plutôt cette seconde hypothèse qui remportait l'adhésion de la communauté scientifique. Déjà parce que Mimas, c'est un tout petit satellite, à peine 400 km de diamètre. C'est une taille qui ne lui permet pas de retenir sa chaleur interne. On pouvait donc supposer que l'on y trouvait uniquement de la glace. Autre détail, Encélade, une lune voisine, possède un océan et sa surface est très lisse en raison de l'eau qu'elle rejette régulièrement dans l'espace. Mimas, à l'inverse, possède une surface très cratérisée, ce qui ne suggère donc toujours pas la présence d'eau liquide. Malgré ça, c'est finalement l'hypothèse de l'océan qui vient de l'emporter. Mimas n'est donc pas composé que de glace. Pour s'en assurer, les astronomes ont étudié de très près le mouvement orbital de cette lune en analysant des milliers d'images prises par la sonde Cassini, comme l'explique l'astronome Valérie Lenné, un des auteurs de cette publication. Nous avions vraiment besoin de comprendre le mouvement des 19 lunes de Saturne pour être certain d'avoir une représentation la plus exacte possible du mouvement de Mimas lui-même. Et donc, en étudiant ces 19 lunes, nous avons été en mesure de trouver la rétroaction du mouvement de rotation de Mimas sur son mouvement orbital. Autrement dit, en regardant très précisément l'orbite de Mimas, eh bien, vous pouvez décomposer ce mouvement en une somme de termes mathématiques qui correspondent à des dérives dans le temps, des variations de la taille de l'ellipse, etc. Bref, vous avez tout un tas de termes. Et parmi tous ces termes-là, il y en avait un qui était tout petit, qui était une dérive supplémentaire de l'orientation de l'ellipse dans l'espace. Et cette dérive, en fait, et la partie qui nous intéressait était faible, ça représentait 10 km de déplacement sur 13 ans. Et donc, en trouvant ce petit signal de 10 km, nous avons été capables de dire que, ben non, c'est vraiment un océan sous la couche de glace, ça ne peut pas être un intérieur froid et rigide, quelle que soit la forme d'ailleurs du noyau de silicate. Les scientifiques estiment que sous une couche de 20 à 30 km de glace, un océan de 60 km de profondeur s'étend sous la surface de Mimas. Entre 50 et 60% du volume de ce satellite serait finalement composé d'eau liquide. Une question demeurait pourtant, s'il y a bien un océan, alors comment s'est-il formé sous la glace ? En fait, pour comprendre cela, il faut savoir que l'orbite de Mimas, par le passé, était sans doute bien plus perturbée et excentrique, très elliptique, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Conséquence, Mimas aurait subi de plein fouet les effets de marée dus à la gravité de Saturne, au point de conduire la glace à l'intérieur de la Lune à se réchauffer peu à peu. C'est ce que détaille Valérie Lenné. Eh bien, il faut comprendre que les lunes de Saturne se perturbent au cours du temps. Et ce que nous pensons, c'est qu'il y a eu à peu près 10, 20, 25 millions d'années, l'orbite de Mimas a été fortement perturbée par l'attraction gravitationnelle d'autres lunes de Saturne qui sont un peu plus loin. Ce faisant, l'excentricité de Mimas a probablement triplé par rapport à la valeur actuelle. Aujourd'hui, elle représente 2%, c'est-à-dire que c'est relativement circulaire, mais pas tout à fait. Et effectivement, bien dans le passé, elle était un peu plus excentrique. Cette valeur relativement élevée pour une lune de son excentricité a permis aux frictions internes exercées par marée sur Mimas d'être suffisantes pour faire fondre la glace. Et à partir du moment où vous commencez à créer de l'eau liquide dans l'intérieur de Mimas, le système s'emballe et se met à produire beaucoup de chaleur, parce que vous gagnez beaucoup en flexibilité, en déformation à l'intérieur de l'objet. Et donc c'est comme quand vous frottez les mains, eh bien ça crée de la chaleur. Vous convertissez de l'énergie mécanique sous forme de chaleur. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de Mimas il y a moins de 25 millions d'années. Et donc l'origine soudaine de cet océan est liée à la perturbation gravitationnelle d'autres lunes de Saturne il y a à peu près 25 millions d'années. Mimas entre désormais dans le club très fermé des satellites du système solaire qui possèdent un océan interne, avec Encélade bien sûr, mais aussi Europe, Ganymède ou encore Titan. Ce que suggère aussi cette étude, c'est que d'autres lunes pourraient bien être de bonnes candidates à la présence d'océans. On va donc pouvoir regarder d'un œil nouveau Dionée, une autre lune de Saturne, Callisto, une lune de Jupiter, ou encore Triton, une lune de Neptune. Enfin et surtout, si un lieu aussi improbable que Mimas peut abriter des conditions favorables à l'émergence de la vie, c'est-à-dire de l'eau liquide, alors peut-être que le système solaire est finalement un lieu un tout petit peu moins hostile qu'on ne le suppose. Merci Pierre Robert et merci à vous Monique Cotteret. Je recommande la lecture du livre que vous avez écrit avec votre mari Bernard Cotteret qui s'intitule « L'Europe des Lumières 1680-1820 ». Le langage est une machinerie complexe. Le neurologue Laurent Cohen nous embarque dans une nouvelle saison de la collection de podcasts originaux « Votre cerveau ». Faites vos propres expériences sonores en jouant avec lui. Madame, est-ce que vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît ? La main ? Qu'est-ce que c'est ? Votre cerveau, saison 5, réalisé par Louise André sur franceculture.fr et l'appli Radio France.